Ce vieux monde ne peut m'empêcher n'importe quand. Je m'envolerai, car je me suis déjà consacré. Et je portais mon habit de noces. Et oui, ça, je monde ne peut m'empêcher n'importe quand. Je partirai, car je me suis déjà consacré. Et je porte mon habit de noces. Oui, ce vieux monde ne peut m'empêcher, oui, n'importe quand. Tu n'es pas lié à ce monde. Les courroies du monde ont été brisées. Les liens du monde ont été brisés. Consumés par le feu de l'autel de Dieu. Le feu de la colonne de feu. Le feu du baptême de feu. Il donne une délivrance totale. Il ne produit pas de demi-chrétiens. Pas de demi-croyants. Mais les croyants à part entière. Les combattants à part entière. Les chrétiens à part entière. Et une délivrance totale. Le vieux monde ne peut pas me lier. Je me suis déjà consacré. Est-ce ton témoignage? Toi frère. Est-ce que vraiment le témoignage? Le monde ne peut plus te lier. Il ne te sent plus lié. Vous êtes plus obligé envers ce monde. Vous êtes comme mais tu es libre en Christ Jésus. Vous allez former quatre de ce Christ. Sauf que c'est la trompette sonne. Vous êtes attaqué les régions. Le commandement. Nganga, tu es libre de partir aussi. Sans souci. Nganga, Nganga, car il y a un royaume merveilleux. Inébranlable. Il a été préparé pour toi. Avant la fondation du monde. Tu n'es ici que pour combattre. Et tu portes les épreuves chrétiennes. Le temps que Dieu t'a alloué ici-bas. Combat le bon combat. Conserve la foi. Sois plus que vainqueur. Car Dieu est avec toi. Et il sera toujours avec toi. Jusqu'au bout du rouleau. Gloire à son nom merveilleux. Que Dieu te bénisse pour le gars là-bas. Ne te sens pas tout seul. Ne te sens pas éperdu. Mais il y a quelqu'un à tes côtés. Jésus-Christ l'ami fidèle. Père céleste. Nous te remercions ce soir pour ce grand privilège qui nous accorde de nous tenir ensemble devant toi et de communier, de te parler, de laisser nos prières, nos supplications, de formuler nos demandes, de déclarer nos besoins, de renoncer le diable, voir à tes promesses, voir à ta puissance et voir la manifestation. Améliorer notre entendement. Nous parce que tu es celle qui nous a appelés. Et qui a commencé une bonne œuvre en nous. Il l'achèvera toi-même. Bénis cette soirée. C'est un moment d'exhortation. Que cela fasse du bien chacun. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de vérité. Nous prions. Amen. Amen. Nous allons lire une portion de la parole écrite. La parole du Dieu vivant. Ephésiens chapitre 3. Nous prenons le verset 3 à 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Nakomaki na mwa mokanda liboso. Ekotanga bino yango bokoki koyeba bososoli na ngai kati na libombami na Kristo. Oyo eyebisami epai na bana na bato. Mabota masili koleka te kasi emonani sasa epi kati na molimo epai na bantoma na bule mpe basakoli. Romain chapitre 16. Baloma mokapo. Verset 25 à 27. Car c'est lui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, qui portait à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la moto n'a sangu malamu nangai, awa eko salaka ngai, Jésus Christ. Et la moto, e monaneli na matambo, makundami longa tango mulai. Asi, na monani sa saipi matambo lango, maebi samikati na makomi na basakoli epai, na mabota yoso, puna, lilaka na seko na nzambi. Ete ele isabango na botosi mpona kondima. Epai na nzambe na boyebi ye nzambe bobele moko kembo ezala mpona Yesu Kristo libela. Amen. Padior bénisse la lecture de ce soir. Nzambe atambola botangelo banae. Et veuillez vous asseoir maintenant. Bienvenue à cette table du Seigneur. Oui, malamu na mesa o Yesu Kristo. Pour partager l'exhortation de la parole. La parole de Dieu est très riche. Quand des fois nous l'abordons, nous sommes souvent assez perplexe à savoir si nous commençons une pensée, est-ce que nous allons la terminer, parce qu'elle est tellement riche, profondément inspirée, qu'un seul mot peut vous retenir toute une année dans la parole, non pas à cause de la particularité du mot, parce que les mots sont utilisés dans les diverses langues, nous les alignons, nous les rangeons tel que nous voulons exprimer une pensée. Et quand ces mots sortent de la parole de Dieu, le Abraham nous apprend que chaque mot de la Bible est inspiré. L'inspiration, c'est un domaine illimité. Vous essayez d'aller dans ce sens, d'aller dans ce sens, et vous trouvez que c'est inépuisable. Et que Dieu soit béni de ce qui nous a enrichis, de ce que le monde ne peut pas nous enrichir, en nous donnant la parole. Savez-vous que celui qui a la parole a plus que le monde. Tout le monde que vous voyez ici, toutes les choses visibles ici, avant qu'elles ne soient, il y avait la parole. C'est la parole qui a produit tout ça. La parole vaut plus que tout ça. Et si tu as vraiment la parole, et tu gardes la parole, tu es riche, plus riche, plus riche du monde, et le riche selon le monde. Quand ceci t'est révélé, alors tu ne peux plus perdre ton temps. Loin de la face de Dieu, à courir derrière le vent, pour t'enrichir. Parce que tu peux faire toutes tes courses, mais tu peux arrêter ta course. Quand tu peux venir un jour, et tu vas tout laisser, sans personne pour s'en occuper. Et là où tu vas aller, tu as besoin d'un bagage, d'un atout, d'un soutien. Où veux-tu appuyer ta vie? Pourquoi veux-tu appuyer ta parole? Où ta foi? Appuyons-la sur la parole éternelle. Un fondement inébranlable, un fondement éternel. Voyez, nous avons lu deux passages. Et pour un moment d'exhortation, franchement, c'est beaucoup. Et s'il faut, c'est vraiment les deux passages. Je vous assure que les minutes d'exhortation ne suffiraient pas. Nous allons forcément déborder. Mais sans aussi épuiser. Sans terminer cela. La parole du Seigneur est inspirée. Elle contient du miel et des richesses. Et des forces insaisissable par la main humaine, mais il faut la grâce de Dieu pour amener le lecteur, le croyant, dans les profondeurs du Seigneur. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Ici dans Romains 16, verset 24, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Même si tu ne veux pas dire Amen, la Bible a déjà dit Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Si vous tous, tous ne veulent pas dire Amen, la Bible a déjà dit Amen. Le croyant se dit Amen et le croyant se répouse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que cela pleuve sur votre âme. Que cela se manifeste dans votre vie. Que cela se concrétise dans votre vie. La grâce de notre Seigneur Jésus. Oh, qu'elle vienne sur toi. Qu'elle vienne sur vous, Église. Qu'elle vienne sur ta famille. Que cette grâce vienne. Avant de parler des prophètes, de ce qui est manifesté dans Romains 16, invoquer la grâce de Dieu. Et avant de parler encore des prophètes, des apôtres ici, dans Éphésiens 3, le Seigneur nous rappelle encore la part de la grâce de Dieu. Éphésiens 3, verset 1 et 2. À cause de cela. De cela quoi? Hein? De ce qui précède, le passage qui nous est toujours lu ces derniers temps, sur la doctrine de l'Église. Nous lisons souvent Éphésiens 2, verset 20 à 22. Comme référence principale. Maintenant, vous connaissez ça, vous l'avez lu, il est lu. Maintenant, moi, je ne veux pas entrer là pour commencer. À cause de cela. Donc, de ce qui précède au chapitre 2. Ce que vous avez lu et médité. Que vous comprenez du mieux que vous pouvez. C'est la mesure de grâce que Dieu a donnée à chacun. Bon, je n'entre pas dedans. Mais à cause de cela. Il est écrit au chapitre 2 là-bas. À cause de cela. Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. Si du moins vous avez appris. Comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. On a yango, ngai Paulo na jali pour bondela, ngai mokanga mina Kristo Yesu pona bino bapagano. Bosili koloka pona likabona ngolu na nzambe oyo ezingai pona bino. Comment je fais part? Je vous fais participer à la grâce que ce même Dieu-là m'a donné pour vous. Il m'a confié. Dieu m'a fait confiance en portant sur moi une mesure de grâce. Et la grâce de Dieu. Et cela n'est pas pour moi-même. Mais c'est pour vous les auditeurs. C'est pour vous les fidèles. Et je fais part de cela. Pourquoi que nous partageons ensemble ça. Je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas par ma volonté. Dieu m'a confié une chance. Je suis prédicateur. Pour me prêcher moi-même. Je suis prêcher à l'auditeur. Le croyant qui aime ensemble les choses. Et tout cela ne vient pas de l'homme. Ça vient de la grâce de Dieu. Et à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de Christ. Landela et puis mon artiste. Il nous donne assez longtemps. Il a donné à Jean une portion. À David une portion. À Antoine une portion. La folle fait part de la grâce que Dieu lui a faite. Moi aussi je me tiens devant vous. Ok. Tu crois à cette grâce de Dieu. Et s'il y a un don qui opère, s'appelle un ministère, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Donc Dieu a confié grâce. La grâce est pour vous le croyant. Béni soit le Seigneur. Oui, l'apôtre Paul qui parle comme ça. Il continue, il dit ensuite le verset 3-5. Nous avons dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et en les lisant, ces quelques mots que je viens d'écrire, sans trop de détails, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Les bons mamies, et puis ça n'a pas été dit, n'a pas été dit. Voyez là, lui-même a reçu sa part révélation. Et ensuite, cette révélation est accessible aux prophètes et apôtres de Christ. Et tout cela se passe dans le temps présent. Mais avant que la révélation ne parvienne aux prophètes et apôtres de Christ, Paul lui-même en a reçu la révélation. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Et ce Paul-là, qui était-il? Il était établi pour la défense de l'évangile. Allons dans Philippiens chapitre 1. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est vrai. Verset 15 et 16. L'insistance vient au verset 16. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres les prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci, verset 16, qui prêchent Christ avec des dispositions bienveillantes, agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Défenseur numéro 1. Pour son époque, l'évangile, c'est Paul. Na tiami awa mpona kusembola sango malamu. Êtes-vous là? Vous allez en le défenseur de l'évangile. De son époque. On attend l'âge dans lequel lui vivait là. C'était Paul. Vous allez Paul. Et remarquez que Paul avait un merveilleux auxiliaire. Paul avait la vassali, qui prêchait Christ, non pas par esprit de discipline. Avec des dispositions bienveillantes. De collaborer avec la même révélation. Dans le même esprit, les affaires. Et jusqu'à présent, cette des choses existent dans l'église. Êtes-vous là? Vous allez en je prends l'exposé de cette église. La vie l'église. Là, c'est l'église d'Ophèse. À la page 73. Faut bien amener ceci. Le messager ou l'ange. Dans l'église d'Éphèse, était l'apôtre Paul. Il est indéniable qu'il était le messager du premier âge de l'ère des nations. Est-ce pas vrai? Bien que ce soit Pierre qui est ici, ouvrir la porte aux gens des nations. C'est à Paul qu'il a été donné. Être leur apôtre et leur prophète. Il était à la fois apôtre et n'est-ce pas? Vous allez bongo. Il est pas le messager prophète. Azalaki nous remis sango nous accorde. Pour les gens de nation. On a battu on et sa fonction de prophète. C'est mon salaire à nous accorde. Par laquelle il a reçu l'entière révélation de la parole pour les gens de nation. On a battu on a battu. A confirmé qu'il était leur messager apostolique. En demi sa quête Azalaki nous remis sango na bongo et Thomas. Je répète cette phrase. Na bandeli. La fonction de prophète. Par laquelle il a reçu l'entière révélation. La parole. Tous les gens de nation. On a confirmé. Il était leur messager apostolique. Sa fonction de prophète. Grâce à son ministère prophétique. Il a eu accès à la révélation. Révélation pour l'église de l'Amérique. Pour l'âge auquel il était mort. Et ça prouvait qu'il était leur messager quoi? Apostolique. Mais la révélation, il l'a pas eu en tant qu'apôtre. Il l'a eu en tant que prophète. Mais cette révélation a servi pour asseoir davantage son ministère apostolique. Comme Dieu utilise ses vases. Dans 2 Timothée chapitre 1. Verset 11. L'Écriture nous décrit les triples ministères de l'apôtre Paul. Triple ministère. 2 Timothée 1, verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Moussa Poli, est-ce qu'on peut nous projeter la version de Darby? Vous voyez un peu plus clairement. Pour lequel, moi, j'ai été établi. Prédicateur. Et apôtre. Et Thomas. Et docteur de Moulakissi, Yamabota. Prédicateur. Okay. Frère Branham dit qu'un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Pourquoi? Ce n'est pas dit au hasard. Le mot anglais pour prophète, c'est preacher. Preacher en anglais, c'est prédicateur en français. Et la signification du mot anglais preacher, c'est celui qui prédit l'avenir. Pourquoi le prédicateur du Nouveau Testament? être prophète, son prédicateur du Nouveau Testament est obligé d'annoncer le retour de Christ. Et c'est à la fois une promesse et une prophétie. Vous ne pouvez pas être prédicateur sans annoncer à l'église que Jésus revient. Vous devez dire Maranatha. Vous devez dire Viens Seigneur Jésus. Vous devez croire que Jésus revient. Et le Seigneur, quand il a institué la Sainte Cène, il a dit faites ceci à mémoire jusqu'à ce que je revienne. Vous continuez à pratiquer la Sainte Cène. Le pain sans le vin et du vin consacré jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et le prédicateur qui conduit l'église à tout ça est un prophète. Il a ça comme message principal. Nous prêchons la répentance mais aussi l'avènement du royaume de Dieu. Comme disait le Seigneur, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et son prédicateur qui prêche le Le royaume de Dieu est proche. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Et pourtant, de manière générale, le prédicateur de l'évangile du Nouveau Testament est un prophète. Mais attention, dans Ephésiens 4, il existe le ministère des prophètes. Ils ont pris comme étant les prophètes mineurs dans l'église que Dieu a établi. Et la même chose revient dans 1 Corinthiens 12, 28. Dieu a établi dans l'église le premier des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement, des docteurs. Les pastors, voilà, qui ce sont des ministères distincts. Ils sont dans la parole. Vous avez apôtre, vous avez une idée. Thomas, vous avez une idée. Parce que ça venait de vous être rappelé. Aussi, vous mais quand je prends les deux, apôtre, prophète, Thomas, ils ont accès à la révélation. Ephésiens 3, 5, que nous avons lu. Une révélation au temps présent. Et moi, nous faisons un temps où nous allons parler des vieilleries du passé. Mais les serviteurs que Dieu utilise pour nous annoncer la parole révélée dans leur temps. Nous allons aussi comment nous sommes à temps. Nous n'avons pas besoin de prophètes des apôtres des histoires. Nous vivons dans notre âge maintenant. Si Dieu a révélé la parole dans le prophète, et quand ils l'ont pas, nous n'avons que faire d'eux. Ils peuvent se faire appeler prophètes. Nous n'avons pas l'église. Parce que les vrais prophètes, et parce que les Christ ont accès à la révélation, car je suis le défenseur de l'évangile, il s'agit de l'actualité de Dieu, la révélation de Dieu au temps actuel, au temps présent, où il est dit maintenant. Il s'agit de maintenant. Les choses que Dieu révèle maintenant. Mais qui avait été caché auparavant. Mais que Dieu révèle maintenant. Par révélation. Le moyen du Saint-Esprit. Il y a le messager qui reçoit. Il y a le saint prophète et apôtre de Christ. Alors, Paul lui-même, incarné en lui les trois ministères du Saint-Esprit. Prédicateur. Mais pourtant, dans Actes 16, verset 1, dans l'église d'Antioche. Il y avait là-bas des prophètes Basakoli et des docteurs. Et on cite leur nom. Le dernier cite le cinquième. Il y avait prophète et docteur. Le premier nom, c'est celui de Saul de Tarse. Et le premier nom, c'est celui de Barnabas. Vous y êtes déjà. Bravo la technique. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Bah, et le premier nom, c'est qui? Ouais, qu'on a rappelé hier fils de l'exhortation. Était un prophète. Et son ministère exhortait l'église. L'exhortation. C'est de l'encouragement. Quand vous êtes exhorté, vous êtes encouragé. Vous êtes comme de fausses nouvelles. Et c'est l'impact du ministère prophétique. Vous avez adressé de quelques paroles flatteuses. Même quand vous vous sacrifiez, selon Dieu. Barnabas était le fils d'exhortation. Mais son nom c'était Joseph. Mais que les apôtres ont surnommé Barnabas. Dieu donne des dons merveilleux à l'église. Siméon appelé Niger. Siméon a bien appelé Niger. Manaen. Oh, que les âmes reposent en paix. Mais là, la banque est ma fille. Sans hommes de Dieu. Voilà, vous allez voir une panne en boulet en Zambie. Authentique. Basta, Colina, dans ton maou et qui est capable de vendre 10 000 sommes de paille en Zambie. Qui avait été élevé avec Hérode, les tétraques. Et puis Saul, le dernier. Saul, Motonasuka. Il était compté parmi les prophètes. Et les docteurs. Et pendant qu'il servait le Seigneur, il leur adresse un message. Saul et Barnabas. Donc, le dernier et le premier. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et l'église, après avoir jeûné prié, ils là. Et puis, l'écriture dit, Paul et Barnabas. Envoyé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les a envoyés. Par une confirmation par l'Église. Nous en voulons encore comme ça. Pour descendre à celui-ci et de là, s'embarquèrent pour ville de Chypre. Mais conduit et envoyé par le Saint-Esprit. Parmi les deux ici, Paul avait déjà une commission. Une commission prophétique. Êtes-vous là? Il a servi parmi les prophètes et les docteurs. Après, il a commencé l'œuvre missionnaire. Barnabas n'avait pas de commission apostolique. Mais il s'est retrouvé aux côtés de Paul dans le champ missionnaire. Parce que le Saint-Esprit l'a dit comme ça. Le fait que j'étais envoyé par le Saint-Esprit n'a pas fait de Barnabas un apôtre. Parce qu'il n'avait pas de commission d'apôtre. Mais lui était un fils d'exhortation. Mais remarquez, Paul lui, il avait déjà la commission d'apôtre. Donc il pouvait être considéré à la fois comme prophète. Parce qu'il avait une commission. Il était également apôtre. Parce qu'il avait une commission apostolique. Et qu'est-ce que Dieu a fait sur le champ? Quand ils sont partis, à un moment donné, Dieu les a séparés. Et maintenant, concernant l'œuvre missionnaire, quand ils se sont séparés, on n'entendait plus trop parler de Barnabas. Mais c'était Paul, l'apôtre. Le prophète, lui, est en chemin. C'est Dieu qui avait créé le malentendu pour qu'il s'entende. Non, c'est Dieu qui avait créé. Et Ils se sont brouillés autour des compagnons. Bango, voulait prendre Jean, Marc, pour dire non, pas celui-là. On a dit non, pas celui-là. Nous devons grandir. C'est Dieu qui a fait ça. Les divergences n'ont pas dans leur doctrine. La manière de conduire les choses. Mais la doctrine n'est pas la même. Voilà le problème. Les vrais serviteurs auront la même parole. Il peut y avoir des différences sur la manière de faire les choses. Êtes-vous là? Alors il faut toujours expliquer ce qui est conduite et ce qui est doctrine. Dieu les a séparés. Et Paul a émergé seul comme missionnaire. Pour la commission apostolique s'affirme mieux. Et qu'il ne soit pas confondu, un prophète de Ephésiens 4 se trouve également dans les voyages missionnaires. C'est biblique. Ne pensez pas que si quelqu'un vient pour le missionnaire, il doit forcément être un apôtre. Non. Voilà, Barnabas est un prophète pour le champ des missions, pour édifier l'église qui est là-bas. Et il a continué même à commencer les assemblées. N'est-ce pas vrai? Ensemble avec Paul, ils ont commencé les assemblées. Comme pour vous dire que le pape une assemblée locale, ce n'est pas qu'il fait de domaine la faute. Pour la commission. Si nous disent où est-ce que Dieu l'a envoyé, c'est pas là, il a dit qu'il l'a envoyé. C'est l'heure précise, les tâches à faire. Et que nous voyons dans la parole, des attributions de l'apôtre. Mais ça là où il y a Thomas. Pour le tout à coup. Ah, ok. Ça c'est l'apôtre. Parce qu'il a les attributions d'apôtre. Et nous voyons quand il exerce. Nous sommes à l'aise. Savez-vous que le frère Branham dit que le faux hein. À l'instar de Genèse et d'Ambrès. Capable de créer des églises. Même les faux prophètes, ils sont capables de créer des églises, de groupes. Et leur folie sera manifestée. Nous partager avec vous ce quelques mots de frère. Certaines paroles de frère Valfranc. Je veux vous lire un passage. La lettre circulaire de septembre 1960. Partagez un peu là. Vous voulez bien? Ok. Très bien. Je vais là-bas à la page 3. Lettre circulaire de septembre 1972. Au sujet des apôtres et des prophètes. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 28, et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Nous voyons donc que l'assemblée n'est pas fondée par des hommes, mais bien par Jésus-Christ. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit que c'est sur cette pierre que j'ai bâti mon église. L'assemblée ne doit pas être fondée par les hommes, mais c'est bien par Jésus-Christ. Nous reconnaissons aussi que ce qui s'appelle, que tout ce qui s'appelle Église du Seigneur ne l'est pas forcément. Reconnaissez-vous la même chose? Est-ce que même les faux prophètes peuvent en créer? Ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé à faire des choses, il a fait du bruit, il a donné des prophéties, et c'est devenu l'Église. il faut que le Seigneur soit dedans. Le Seigneur est pour la partie des ministères que lui-même a établi. Dans le tombe où il est monté bandit. À la fondation, à la création de la femme. À ce bandit, ça m'a été déjà. Quand il n'y a pas ça, il n'y a pas Dieu. Que ce soit facile pour tout le monde. Et dans la paix, pour le monde, nous sommes. Là, il est monté bandit, nous sommes. Vous trouvez que vous voyez, quand on a un autre, on a une ambition, on a une ligne à Yébana, et puis un bandit, on a un sangue sabbatou. Et puis ça devient l'œuvre de Dieu. Non. C'est le Seigneur qui doit bâtir son assemblée. Matthieu 16, verset 18, il dit ça. Sur cette pierre, j'ai bâti mon assemblée. Celui qui doit la bâtir. Nous reconnaissons aussi que tout ce qui s'appelle Église du Seigneur ne l'est pas forcément. Et cet exposé biblique est donné afin que chacun, afin d'aider chacun à se trouver soi-même, pour constater qu'il appartient réellement à l'Église de Jésus-Christ. Comme dans Éphésiens 4:11, ce que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, deuxièmement, des prophètes, tous ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ respectent l'ordre divin et reconnaissent le ministère d'un serviteur envoyé. Vous appartenez à la réelle Église. Vous ne pouvez ni combattre ni rejeter un serviteur envoyé du Seigneur. Non. Que ce soit celui d'un apôtre, d'un prophète, ou d'un docteur. Tout ce que Dieu a destiné à l'édification de l'Église. Ceux qui font partie du corps de Christ le prennent avec reconnaissance. Avec un merci. Ils vont reconnaître ça. Ceux qui appartiennent au corps de Christ. Pas ceux qui déclarent appartenir, mais qui appartiennent. Reconnaissance. On ne connaît pas, mais merci. Généralement, on reconnaît le ministère d'un pasteur, d'un évangéliste, en ce qui concerne les trois autres ministères. Hein? Ceux des apôtres, des prophètes, cela paraît être tout différent. Vous voyez, cependant, Dieu a jugé que ceci était nécessaire. Il est destiné à l'édification de l'Église. Nous lisons dans Actes 13, verset 1. Il y a beaucoup dans l'Église d'antoches, des prophètes et des docteurs. Et puis des noms de ces serviteurs de Dieu nous sont donnés. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Remarquez qu'ils leur imposèrent les mains en signe d'accompagnement et non pour les établir dans leur ministère. Ce n'est pas de parler en position de mains, ils sont donnés à force de ministère de prophètes en imposant les mains. Ils étaient déjà ça par commission. Et maintenant, il fallait une confirmation de l'Église. Un acte d'accompagnement. Il y a tel ministère que ça. Car il y avait déjà longtemps que celui-ci avait été confirmé par Dieu. Il est dit au verset 4, Barnabas et Saul envoyés par le Seigneur. C'est le commentaire de Franck. C'est de cela que nous avons besoin. Aujourd'hui, d'homme de Dieu, dont l'appel et le ministère ait été révélé et confirmé dans l'Assemblée avant qu'il ne puisse s'en aller. Avons-nous besoin de ça? Il faut que les choses se passent d'après la Bible. Aujourd'hui, on entend souvent dire, nous avons Christ. Et c'est pourquoi nous n'avons besoin ni d'apôtres ni de prophètes. Veut-on dire par cela que l'Église primitive n'avait pas Christ? Et que c'est la raison pour laquelle Dieu avait établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, etc. Et fait-on dire que l'église Pitoche n'avait pas Christ? Parce que là-bas, des prophètes ou des docteurs ont quitté de leur ministère. C'est le contraire qui est vrai. Chaque église qui aura véritablement Jésus-Christ aura également le service de ministre en son sein. La Bernard des chrétiens, après le service de ministère établi, alors tout groupe de gens rassemblés qui s'appellerait église, il n'y a pas ce ministère. Mettez une croix dessus. Voilà, groupe de prière. Le service d'un apôtre consiste en grande partie à aller sur le champ de mission. Non seulement pour prêcher l'évangile, comme c'est le cas pour les évangélistes, mais pour rester à un endroit jusqu'à ce qu'une église prenne naissance et que des anciens puissent y être établis. Alors, le service d'un prophète de l'église du Nouveau Testament, écoutez bien, consiste à exposer la parole prophétique à l'église du Seigneur selon sa signification divine. Un prophète pénètre la parole, vous la décortique et vous la rend facile à comprendre et vous donne la vraie signification divine, la parole prophétique. Selon sa signification divine. Paul dit, que deux ou trois parlent et que les autres parlent. Et si quelqu'un d'autre qui est assis a une révélation, que le premier s'éteigne. Vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exaucé. Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Pourquoi la Bible donnerait-elle pareille information? Si Dieu n'avait pas eu l'intention de conduire pratiquement son peuple à travers le ministère prophétique. Il est clair qu'ici dans 1 Corinthiens 14, il donne des prophéties. Nous le voyons par le contexte. Car il est écrit, un autre qui est assis a une révélation que le premier s'était. Mais jamais pendant une prophétie, quelqu'un ne peut être interrompu. Une prophétie est une parole venant directement de Dieu. Il s'agit de celui qui a la révélation, qui est assis, qui reçoit la révélation. C'est un message venant de Dieu. Tous ne vont pas parler au même mot. L'autre qui est debout, c'est fait. Laisse la place au suivant. Pour continuer à fermer les autres églises. Le ministère prophétique. Voyez-vous que c'est bon? C'est vrai. Il faut qu'il en soit ainsi. Alors, il continue à dire ceci. La plupart se représentent seulement le prophète comme prédisant les choses à venir. Nous révélant des choses présentes qui concernent l'église. Cependant, le service prophétique se révèle dans le Nouveau Testament de manière diverse. Particulièrement en ce que la parole prophétique est communiquée à l'église sous la direction et par la révélation des saints de la façon correcte. Parole quoi? Prophétique. C'est le domaine des ministères prophétiques. Voilà, on trouve souvent à lui étroitement le service des apôtres. Celui des prophètes et celui des docteurs. Voyez bien aimé, Dieu utilise les apôtres sur le champ missionnaire. Mais il peut utiliser aussi un prophète ou des évangélistes. Le pasteur aussi peut visiter les églises. Pierre qui était pasteur à Jérusalem. Et pour la Quelle est la commission qu'il a reçue? Son appel c'est quoi? Parce que le ministère est un don qui dépend d'un appel de Dieu. Pénètre profondément vous. Il ne faut pas commencer à juger quelqu'un par les résultats. Mais pour révéler la parole. C'est ainsi que lorsque Dieu établit un prophète et que même un apôtre a accès à la révélation, entre un prophète mineur et un apôtre mineur, un apôtre tout court, disons. En matière de révélation, le prophète sera un peu au-dessus. Et la porte est un peu en bas comme ça. Parce qu'il n'y a pas de rang supérieur à un prophète. Au-dessus de tout, il y a le Saint-Esprit. Mais le niveau qu'atteindra un prophète dépendra toujours de lui, d'un apôtre. Dieu a disposé des choses comme ça. Est-ce que vous aimez entendre bien? Et dire amen. Pour révéler la parole, que le prophète. Mais le seul moyen par lequel le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Il n'y a pas de niveau qui va dépasser celui des prophètes. Révélation de la parole. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à saisir ces choses et les comprendre pour les appliquer et vérifier auprès des uns et des autres. Ok, dans l'exposé de cette église, à la page 155, le deuxième alinéa, les chantages tels qu'ils sont exposés dans l'Apocalypse, chapitre 3, incluent toute la durée de la totalité des gens des nations. C'est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations. Dans chacun de ces âges, sans exception, la même chose est dite au début et à la fin du message de chacun. Écrit aux messagers de Pergame, de Sardes, de Philadelphie, de la Laodicée. Voici ce que dit celui. Et puis, à la fin, que c'est lui, au singulier. Il y a des oreilles en train de ce que l'esprit deux églises. Remarquez ici, que dans chaque âge, Jésus par l'esprit ne s'adresse qu'à une seule personne. En ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Tu dis amen. Un seul messager pour chaque âge. reçois ce que l'Esprit a à lire à cet âge. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la part de Dieu. Par révélation. Aux églises. C'est-à-dire à la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Mais bien qu'il soit diffusé à tous, tous ceux qui sont atteints par le message, le message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du maître. Chaque individu prédestiné et élu de Dieu. C'est un groupe particulier. Et comme le message à titre individuel. Le message est là. Il y a des personnes à titre individuel qui ont la capacité d'entendre. Parce que Dieu les donne. Ce n'est pas un problème de groupe. Vous n'êtes pas dans notre équipe. Vous n'êtes pas des élus. Vous êtes. Dieu traite avec les gens des nations individuelles. Vous savez quoi? Individuel. C'est vrai. Pour chaque individu de ce groupe. Il reçoit particulièrement le message. Et quelqu'un qui a la capacité d'entendre. C'est que l'Esprit dit au moyen du message. Mais Dieu permet que personne commence à vous dire. Vous voyez, les prophètes ne vont pas comprendre. Vous n'avez pas fait ma question, vous devez voir. C'est faux. Vous allez nous faire Dieu a donné les capacités à ces gens. Parce qu'il dit que celui qui a des oreilles, c'est que l'Esprit dit aux églises, il les révèle aux messagers, et les voyants là, selon l'écriture, à titre individuel, parce que le message là, je l'ai dit, que celui qui a des oreilles, Dieu vous connaisse directement au messager. Que l'Esprit a dit par le messager. Personnellement, il a la capacité de capter ça et de te mettre à l'œuvre d'avancer devant Dieu. C'est l'écriture qu'on ne fait pas à l'écriture. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Parce qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Vous trouvez des individus qui s'agissent de nous là. Ils disent que c'est nous les élus. C'est nous qui avons la révélation. Collectif. Faux. C'est cette manière de concevoir les choses. C'est faux. Dieu dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Quand le message est donné au message pour l'âge, il doit parvenir à chaque élu individuellement. C'est tout esprit de dénomination et de l'organisation lequel les gens voudraient faire dépendre le salut des gens. C'est pour qu'on vous reconnaisse comme un élu, vous devez appartenir à ce. Il n'y a pas de groupe. C'est toi et le Saint-Esprit à travers le message de l'âge. Vraiment. Ton épouse elle-même préparée. Et qui est un individuel. Est-ce que vous êtes église? Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation. Parce qu'il y a des choses qu'on se retrouve avec 103 Dans chaque groupe, il y a trois sortes de croyants. Et Dieu seul connaît ce qui lui appartient. Fanatisme, prouvez vos résultats, vos fruits par la vie. Produisez-nous la vie de la parole. Laissez l'aventure difficile. Groupe de ceci, groupe de cela. Ceux qui entendent ne reçoivent pas les révélations particulières. Pas puisqu'un groupe ne reçoit les révélations collectives. Mais chaque personne entend. Et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Voyez-vous que c'est la même et unique révélation? Paul l'a reçu. Il a eu l'intelligence du mystère de Christ. En peu de mots, et en le lisant, pour vous faire l'idée de ce que j'ai à ce sujet, j'ai reçu de Dieu. Mais ce mystère-là n'a pas été révélé au Fils de l'homme dans les âges passés. Donc il est présentement maintenant révélé aux saints apôtres et prophètes de Christ. Les vrais apôtres, les prophètes de Christ, à la même révélation. Le messager a reçu. Et nous aurons la même foi. Pas le même fanatisme. Mais la même foi. Vous aimez ça? Que Dieu soit béni. Je termine en lisant dans l'exposé de ces pages de l'Église, l'Église, l'âge de l'Église de Sardes, la page 251. Nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle au travers des âges par son esprit. Il est descendu dans les messagers. Ils sont comme Moïse et tous les enfants d'Israël. Les messagers sont quoi? Ils sont pareils à ce qu'était Moïse les enfants d'Israël. Comme Moïse avait reçu la révélation pour son époque, et même chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? C'est facile à retenir? Donc, dans notre âge ici, le temps de Paul, c'était Paul. Attends, on a Paul, il était pasteur de l'évangile. Dans notre âge, c'est qui? Attends, on a le prophète William Branham. Il doit être considéré un peu comme Moïse. Nous les croyants qui sommes comme les enfants d'Israël. L'assemblée de l'Éternel. L'église du Dieu vivant. Voyez? Alors, qui est des apôtres? Des prophètes et des prédicateurs. Nous avons besoin de la révélation que Dieu a donnée dans l'âge. Avec ses propres révélations. Et la grande révélation est là. Et nous allons nous préparer à l'enlèvement. Amen. Amen. Alors, il arrive que les autres serviteurs faillissent. Les Ephésiens 4 puissent trébucher là, dévier là-bas. C'est ce qui est dit dans la suite de la page des sociétés. Mais Dieu utilise le ministère du prophète messager pour ramener tous à la vérité. Ce qui fait que dans l'âge, vous devez écouter le messager de l'âge. L'autre, il est apôtre, l'autre, il est prophète. Il dit des choses qui sont contraires à ce que le messager a enseigné. Non. Il n'y a pas cinq messagers dans un âge. Il y a un seul messager qui reçoit la révélation pour toutes les portes. Toute autre révélation qui viendra doit être conforme à ça. Vous êtes dans la même ligne. Prenez pas. Nous ne voulons pas de polémique. C'est bien beau pour vous. Nous ne vous rejetons pas. Bon, nous sommes là. Nous, nous voulons avancer par ce qui est officiel. Confirmé dans l'âge, par la colonne de feu. Vous avez saisi? Donc, au temps de Moïse, il n'y avait pas deux Moïse. Au temps d'Élie, il n'y avait pas deux Élie. Un seul chaque fois. Un seul messager. Et tous doivent l'écouter. Quelle que soit la particularité, la célébrité de l'Église. C'est vrai. En matière de révélation, le ministère d'apôtre et celui des prophètes, d'Éphésiens 4:11, ils ont accès à la révélation. Il y a des niveaux différents. Vous avez compris? Et le messager est un peu corrodé. Pour tout l'âge. Et les autres vont prier là-bas. Gloire au Seigneur. Et nous nous devons pour la prière. Mon Dieu plus près de toi. Jésus près de toi, c'est le Moïse, l'aimant de ma foi, être plus près de toi, dans le jour, comme un fleuve, garde-garde. Fais-moi près de toi, plus près de toi, dans le jour, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Attends-moi d'avant tout le temps auprès de toi. Alors que Oh. Merveilleux notre capelle céleste. Après nos moments de prière ce soir, nous te rendons grâce et bénissons ton nom pour la vérité sur le ministère de la parole. Ce sont des vérités fondamentales écrites dans ta sainte parole pour l'édification de ton église. Et nous en tirons profit chaque jour. Merci pour ce privilège. Oh Seigneur, tu nous as envoyé une parole pure au sein de la parole. Non, adultéré. La révélation, le mystère de Dieu, le mystère de la rédemption, le message du salut. Oh, que ton nom soit glorifié. Prends soin de nos âmes. Protège-les contre les loups, contre les lionceaux, contre les petits méchants et pervers. Seigneur, donne-nous la victoire de Dieu. Que chacun marche dans ta lumière. Les places de Jésus. Croyez à la révélation. Capte le message, comprenez la volonté du Seigneur. Je parle des mondanités, je suis de l'intimité, je peux pécher, Seigneur. Je parle de nous laver, je parle de nous changer, je parle de nous guérir, je parle de nous sauver, je parle de nous pardonner, je parle de nous délivrer, je parle de nous sanctifier, je parle de nous bien dans nos vies, je parle de Jésus-Christ. Écoute nos prières, l'exister de chacun, que ta force entre en chacun foyer, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit fortifié, et que ta grâce parvienne à chacun. Nous te faisons confiance que tu es notre secours. Tu ne manqueras jamais de l'esprit. En priant au nom de Jésus-Christ, pour ton amour pastoral. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu soit loué.